Comme je t'aime, je t'aime. Mon Dieu, comme je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Ces mêmes mains qui m'ont vu pleurer, ces mêmes mains qui ont composé, ces mêmes mains qui t'ont touché, ta chevelure, ton fion et tes pieds. C'est ce soir que je veux tout dire. Ce soir, je veux briser les tabous, ouvrir mon cœur et ne plus te mentir. Oh Périne, je te l'avoue, mon Dieu, comme je t'aime. Je t'aime, mon Dieu, comme je t'aime. Je t'aime, oh, je t'aime, mon Dieu, comme je t'aime. Oh, oh, je t'aime, oh, je t'aime, je t'aime. Mon Dieu, comme je t'aime. Oh, je t'aime.